sur l'air. Oui, à la fois entre deux cultures entretenues par les mêmes erreurs passées. Labyrinthe au intello, tous nos conseillers égarés, la communauté s'écoule. Brisée par amour excessif, amitié brisée, admirée, jalouse et tuée, culture enterrée, imitée toujours des scènes, pays rasé. Que nous reste-t-il? Le vent nous emmènera jusqu'au soleil qui nous parlera de la vie d'autres planètes, tel Jupiter qui nous fait du bien. Et nous serons, vous et moi, au paroxysme de l'amour. La famille retrouvera les grandes chaleurs du dimanche, grandes amitiés retrouvées, identité préservée, humilité retrouvée, humanité sauvegardée. Yes, all right. Et nous serons, vous et moi, au paroxysme de l'amour. La famille retrouvera les grandes chaleurs du dimanche, grandes amitiés retrouvées, identité préservée, humilité retrouvée, humanité sauvegardée.